peine sorti de l'enfance que l'on te donne un métier, bonne chance. Quand ce n'est pas des idées ressucées comme un chewing-gum usagé. Il y a des jours où l'on voudrait laisser tomber, hey, hey. Oh. J'avais pas dit bonjour aux rois mages qu'ils ont mis mes planeries en cage. Avec leur école et tout leur lendemain qui devait chanter. Il y a des jours où l'on voudrait laisser tomber, hey, hey. Y a des jours qui font des petits matins où l'on se fout des gens qui ont faim. Y a des jours qu'en moi on voudrait bien ne plus s'en faire pour son prochain. Y'a la nana dont tu veux pas, et puis celle qui se pompe à ma porte-clé à ton bras. Marie-Madeleine, avec laquelle faudrait oser, mais on n'ose jamais. Et puis il y a la fille qu'on laisse toujours tomber. Hey, hey. Y'a la chanson qui ne vient pas, et puis celle qu'on écrit sans en penser un mot. Y'a les idées auxquelles on ne croit pas, mais qu'on porte comme un drapeau. Il y a des jours où vaudrait mieux se foutre à l'eau. Oh, oh. Y'a des jours qui font des petits matins, on se fout des gens qui ont faim. Y'a des jours, crois-moi, on voudrait bien ne plus s'en faire pour son prochain. J'en ai marre de faire des miracles pour une bande de types qui s'en gratte et s'en tape. J'ai une petite croix qui m'attend et trois clous sur le mont des Oliviers. Si je vais pas mieux, un jour je m'y laisserai clouer.